Écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL 89.1, Valérie Levé au microphone, et nous partons maintenant pour une chronique, on va dire, un peu touristique, visiter les parcs du Nunavik. On part parfois très loin hein, pour se dépayser, trouver des paysages envoûtants, et on oublie que nous avons au Québec tout ce qu'il nous faut, à condition de regarder au nord. Alors, pour découvrir les parcs du Nunavik, je suis en compagnie de Rachel Guindon, qui est biologiste pour les Inuits du Nunavik et qui se déplace très souvent au Nunavik, et notamment oui. dans les parcs du Nunavik. Bonjour Rachel. Bonjour Valérie. Alors, ces parcs, ils sont quand même relativement récents, hein, parce oui. qu'ils n'existaient pas il y a 20 ans, par exemple, ils n'existaient pas, il Exactement, me semble. Exactement, oui, c'est très récent. En fait, on célébrait en novembre dernier le 20e anniversaire de la création de Parc Nunavik. Donc, c'est quelque chose qui est très récent et on a quatre différents parcs qu'on peut visiter à titre de touriste. Donc, il y a des installations, il y a des propositions de voyage, de randonnée, de ski. Donc, c'est très divers l'offre qu'on retrouve de Parc Nunavik. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait aller à la découverte des trésors oui. naturels qui existent au sein de ces très beaux parcs uniques au monde. Oui, oui, absolument. Comment on y va? D'ailleurs, dans ces... On y va en avion. En avion. On y va, oui, c'est vrai, c'est un bon rappel. Ce n'est pas accessible par la route, hein. Le Nunavik, on y va à bord d'un avion d'Air Inuit ou de Canadian North. Et puis après ça, on a des petits avions qui peuvent nous amener dans des camps plus éloignés encore, où est-ce qu'il n'y a pas d'aéroport. Mais, c'est ça, il n'y a pas d'aéroport, ouais, donc les avions, les pilotes connaissent des endroits oui. pour poser leur avion dans Exactement. Le terrain qui est là. Oui, parfois on a un escaire qui fait office de piste d'atterrissage naturelle et donc les petits avions comme les Twin Otters, ce sont des petits avions assez polyvalents qui peuvent atterrir sur des courtes pistes d'atterrissage et qui sont... ça a l'air épeurant comme ça, là, un petit avion qui atterrit un peu partout, mais c'est des avions auxquels je fais très confiance et des pilotes très expérimentés ouais, aussi, là, qui, les pilotes, oui. Ils doivent connaître leur terrain. Donc, je vais te laisser nous dire les noms de ces parcs, parce qu'ils ont des noms quand même assez compliqués, puis je vais peut-être être capable de les lire, mais je vais mal les prononcer. Oui, bien, il y a quatre parcs, donc le parc de Pingalluit, le parc de Kururjuaq, le parc de Tursuyuk et Ulitanuyalik. Moi aussi, c'est pas exactement parfait non plus ma présentation. Ce qui est unique vraiment de ces parcs-là, c'est que ce n'est pas exactement comme les parcs nationaux qu'on connaît dans le sud du Québec. C'est-à-dire que, oui, on a des zones de conservation dans le nord, mais les Inuits peuvent continuer de pratiquer leurs activités traditionnelles. Donc, il ne faut pas s'étonner de voir les gens aller à la chasse au caribou, aller pêcher l'omble chevalier, faire de la trappe de renard. Donc, il n'y a pas de restrictions là, pour mm-hmm. les gens qui habitent le territoire. Ça, évidemment, ça protège d'autres perturbations plus anthropiques comme de l'exploration minière, par mm-hmm. exemple. Donc, mm-hmm. voilà. Mais les gens peuvent continuer d'utiliser le territoire comme ils veulent. Ça ne restreint pas leur mouvement ou leurs activités. Mm-hmm. Est-ce que ça veut dire que ces parcs sont à proximité des communautés inuites? Certains, oui, et d'autres, un peu moins. Mais la particularité, c'est que lorsqu'on va visiter l'un de ces parcs-là, il y a toujours une communauté d'attache. Donc, il y a une communauté où on va avoir le bureau de Parc Nunavik. On va avoir... un centre d'interprétation. Souvent, mm-hmm. c'est très intéressant parce qu'on a de très belles expositions. Souvent, il y a eu des fouilles archéologiques. Donc, on met en valeur les artefacts qu'on mm-hmm. a retrouvés. On s'informe sur l'histoire de ces lieux-là qui, souvent, pour un œil peut-être un peu plus néophyte, on se dit « Ah, c'est les grandes découvertes. Personne n'était ici. » Mais il y avait beaucoup de monde qui ont mm-hmm. habité ces territoires-là et depuis bien longtemps. Donc, mm-hmm. C'est toujours intéressant de s'y attarder. Là. Est-ce que ces centres d'interprétation sont tenus par des Inuits, justement? Oui, les employés de ces okay. parcs-là, ce sont des gens qui habitent dans les communautés, donc qui agissent à titre de directeurs, qui vont être les guides, hein, évidemment. Mm-hmm. Qui d'autre de mieux placé que pour pour guider les clients qui viennent dans ces parcs-là que des guides inuits. Donc, c'est vraiment une initiative locale qui bénéficie aux communautés, mmh. justement. Et on y trouve de l'hébergement? On y trouve de l'hébergement. On y trouve de l'hébergement de tout type, c'est-à-dire qu'on peut dormir en tente, on peut dormir dans des... Parfois, il y a des petits camps un peu rustiques, évidemment. Là, on s'attend pas à un 5 mmh. étoiles. Donc, mmh. avec des petits dortoirs où on peut se restaurer, s'abriter des éléments et dormir. Et sinon, ben souvent, les départs se font des communautés directement. Donc, on peut séjourner à l'hôtel. Donc, mmh. il y a vraiment de tout. Et puis, ça fonctionne été-hiver. Oui, été-hiver. Ouais. Donc, on peut y aller. Il y a des très, très beaux... très, très beau parcours de ski, de ski nordique qu'on peut faire, des beaux parcours de randonnée. Le kayak aussi s'y prête bien. Mmh. C'est des paysages vraiment exceptionnels. Donc, on peut faire de la randonnée. Bref, on s'ennuie pas. Tu nous donnes envie. Oui. Alors, on va commencer par le parc de Pingalwit. Celui-là, j'arrive à le dire, celui-là, Pingalwit. Oui, oui, le parc de Pingalwit, en fait, ça signifie bouton d'acné. Ou bouton éruptif en Inuktitut, c'est en fait dû à une particularité de ce parc-là, c'est qu'on y retrouve ce qu'on appelait anciennement le cratère du Nouveau-Québec. Donc, il y a un cratère d'un diamètre de 3,5 km qui se trouve au centre de ce parc-là, qui est assez exceptionnel hein, comme cratère parce que l'eau est complètement très, très, très transparente. On dit que c'est une des eaux les plus pures sur Terre. Je me rappelle qu'on m'avait dit que c'est un cratère où il n'y a pas d'entrée d'eau et de sortie d'eau. Il n'est pas alimenté par un ruisseau ou une rivière. C'est vraiment l'eau de pluie, l'eau de neige et puis l'évaporation. C'est ce qui module l'arrivée mm-hmm. d'eau du cratère. Mm-hmm. C'est aussi un des cratères les plus jeunes au Québec. Une petite jeunesse de 1,4 million d'années. Donc, c'est tout récent. Et c'est aussi un cratère où on retrouve l'omble chevalier. Donc, c'est la seule espèce de poisson qu'on va retrouver. Donc, je me dis qu'à un moment, il y a eu une connexion avec une rivière ben oui, ou avec un ruisseau. Ils sont arrivés là comment? C'est ça. Mais c'est aussi un lieu d'une grande importance pour les Inuits, ce cratère-là. En Inuktitut, on dit « Nunavingmi ». Pikuminartuk. Donc, ça veut dire c'est le lieu où on est revitalisé. Donc, c'était un lieu traditionnellement où on allait là pour se calmer. Donc, avec une symbolique très sacrée pour les Inuits des communautés. Puis peut-être pour situer les gens aussi, le Pingalwit, on est plutôt dans le nord du Québec, mais en haut. Là. Donc, on est dans la toundra très rocheuse. Hein. On n'a pas d'arbres, c'est très herbacé. Donc, on a beaucoup de canyons, beaucoup de rivières. Donc, c'est assez exceptionnel là, comme endroit. Et c'est un parc qui se retrouve proche d'exploitation minière, en fait, parce que c'est là où on retrouve la fosse de Longava. Donc, c'est un gisement de minéraux particulièrement riche en cuivre et en nickel. Donc, le fait d'avoir un parc, là, ben, ça protège l'environnement, cet environnement assez unique là, mm-hmm. dans cette région-là, parce mm-hmm. que plus au nord et à l'ouest, si je me trompe pas, on a deux mines donc qui font l'extraction du nickel, par exemple. Mmh, mmh, donc, effectivement, il faut quand même les protéger, les joyaux. Oui. Et donc dans ce lac, en fait, est-ce qu'il y a des activités? Parce que est-ce que les activités humaines pourraient polluer ce lac-là? Donc les activités sont restreintes? C'est une excellente question. Je ne pense pas qu'on peut. Peut-être que les Inuits s'y rendent pour certaines activités, par exemple la pêche, mais c'est un cratère avec un rebord très haut et très abrupt. Donc on n'amène pas de bateau ou d'embarcation. C'est vraiment une barrière naturelle. Puis je pense que c'est pour ça que ce lac-là est resté avec une eau aussi exceptionnelle à travers les années. Mais les ombres chevaliers, c'est ça? Oui, les ombres chevaliers. Ils ont quand même réussi à y oui, arriver. Oui, eux, ils se sont faufilés et ils sont là depuis un moment. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un cratère qui a été plutôt récemment découvert, c'est-à-dire que c'est des avions de l'armée américaine dans les années 40 ou 50 qui ont observé le cratère. Et puis là, bon, découvert par des yeux occidentaux, évidemment, parce que les gens de Canicsutjuaq, donc la communauté la plus proche, étaient bien au courant de son existence, oui. Donc ça, c'était Pingalui. Tu nous emmènes où maintenant? Eh bien, là, je vous ramène plus au sud. Donc, on se retrouve à Kururjuaq. C'est son nom en Inuktitut, ça veut dire « vallée longue et étroite ». Mm. Donc, la communauté la plus proche, c'est Canicsutjuaq. C'est une communauté d'environ 1000 personnes. Et c'est assez exceptionnel comme environnement parce que c'est là où on retrouve les monts Torngat, donc qui sont de majestueuses et vraiment impressionnantes montagnes. C'est vraiment très, très beau. Et c'est là où on retrouve le sommet le plus haut au Québec. Ben oui, hein, on l'oublie. Hein. Des fois, on pense que c'est en Gaspésie, mais non, c'est le deuxième en Gaspésie. Le plus haut, il est en haut. Et comme tu me disais tantôt, je pense que tu as eu la chance de le voir de tes yeux en plus. Effectivement, cette chance-là. Mm. Oui. Donc, il faut situer, on est sur la frontière avec le Labrador. Exactement, là, oui. On est du côté de Longava, on est sur la frontière. En fait, c'est la frontière naturelle avec le Labrador, là, les monts Torngat. Et le mont d'Iberville, qui est le plus haut sommet avec 1646 mètres. Donc, ce n'est pas une petite montagne, c'est une bien grande montagne. On l'appelle le mont Kauvik en Inuktitut. Donc, les monts Torngat. Torngat, ça veut dire le lieu des esprits, hein. Donc, il y a vraiment... les gens en parlent. Il y a quelque chose de mythique là, de ces montagnes-là. Il y a plusieurs légendes avec un grand esprit. Il y a aussi la légende d'un très grand ours blanc qui fracasse les glaces au printemps. Donc, c'était assez particulier là, comme environnement. Donc là, on y fait de la randonnée? On y fait de la randonnée, principalement. On peut y faire du ski, pas sur la montagne en soi, là, parce que ça commence à être périlleux. Ouais. C'est plus de l'alpinisme. Ouais. Mais oui, on y fait plusieurs activités. Il y a la rivière Korok aussi qui est protégée par ce parc-là, donc qui est assez justement là, c'est un peu le nom du parc là, parce que elle a vraiment une vallée assez tortueuse et étroite et assez impressionnante. Donc c'est 160 km de rivière et c'est une rivière qui se jette dans la baie d'Ungava. Et le long de la vallée Korok, de la rivière Korok, on retrouve un lieu sacré qu'on appelle le paradis des caribous, en anglais le Caribou Heaven. Donc, c'est un lieu qui est autant connu des Naskapi, qui occupaient aussi cet endroit-là traditionnellement à l'occasion, et des Cris qui visitaient aussi. Ah oui, les Cris aussi montaient. Les Inuits. Ah, donc Inuits, oui, ça commence à faire loin pour les Cris, mais Inuits et Naskapi reconnaissent qu'il y a une zone qui était vraiment particulière, avec une symbolique particulière, qu'on appelait le paradis des caribous. Donc il y a encore une fois toutes sortes de légendes, de mythes, c'est dans les traditions orales, dans les traditions familiales aussi, les gens me disaient « Ah bon, mon père a été enterré au paradis des caribous ». Donc oui, c'est un lieu qui est très, très symbolique pour les gens des communautés. Et est-ce qu'on voit donc des caribous, on en voit Oui, dans ce parc-là, on retrouve deux troupeaux de caribous. On a le troupeau de caribous montagnards, le troupeau des Torngat, donc qui est un troupeau de quelques milliers d'individus qui, heureusement, est en légère augmentation dans les dernières années. C'est des caribous qui sont un peu plus petits, hein, parce que c'est des caribous montagnards. Ils occupent un environnement assez hostile, assez difficile. Est-ce qu'il est apparenté au caribou montagnard de Gaspésie? Ben dans son écotype, oui, parce que c'est le caribou montagnard de Gaspésie, ben ce sont des caribous montagnards dans les Torngat, ce sont pas des caribous migrateurs, hein. Caribous qui vont monter et descendre la montagne au fil des saisons pour trouver de quoi s'alimenter. Donc d'une certaine façon, oui, ils sont apparentés dans leur façon leur comportement, le type d'habitat qu'ils utilisent, mais je pense pas que génétiquement ils sont sont peut-être éloignés. Okay. Et donc, on trouve aussi le migrateur. Oui, le troupeau de la rivière Georges, qui est un troupeau assez mythique au Nunavik parce que ce troupeau-là a été plus d'un million d'individus il y a un certain temps déjà. Malheureusement, il est en diminution de 99% depuis 1993. C'est assez drastique comme diminution. Ce qui arrive quand les caribous... les troupeaux de caribous migrateurs connaissent des cycles. Ça, c'est quelque chose qui était connu, qui a toujours été connu par les Inuits. Les gens parlent qu'avant, il y avait des famines et puis il y a eu des périodes d'abondance de caribous. Et lorsqu'on atteint un million d'individus, ben, ce million-là de caribous doit se nourrir, doit occuper un environnement, donc il finit par dégrader en quelque sorte la végétation et ensuite ça influence sa condition corporelle. Donc c'est normal qu'il y ait une diminution, mais 99%, là, ouais, c'est assez... Oui, il y a d'autres assez, facteurs qui rentrent en... Ouais, exactement. Ça. On a les changements climatiques qui influencent énormément l'habitat du caribou, l'environnement, donc... L'alimentation? Oui, certainement, dans une certaine mesure, c'est souvent multifactoriel, ces déclins de caribou-là. C'est dur de dire, la cause. Donc... Non, c'est multifactoriel, puis à un moment donné, il y a un facteur qui est la goutte d'eau. Oui, exactement. Il y a comme un seuil qui est dépassé, et puis là, la population a de la difficulté à récupérer, à rebondir, là, à remonter vers un autre cycle d'abondance. Est-ce qu'on voit des ours dans ce coin-là? Oui, on peut voir des ours et on peut même voir des ours noirs, ce qui peut étonner certaines personnes parce qu'on est au Nunavik, mais c'est dans ce parc-là, on a les grandes montagnes arides, sans arbres, mais on a des vallées avec beaucoup d'arbres. Donc, des petits zones, hein? Oui. On a toutes sortes, il y a des mélèzes à certains endroits, des épinettes, des zones, et c'est l'ours noir qu'on retrouve et de plus en plus en abondance, là, selon ce que les gens me partagent, ils voient de plus en plus d'ours noirs, même qu'ils craignent une certaine prédation par l'ours noir des caribous. En fait, c'est un comportement qui est connu, même dans le nord du Québec. Il y a certains ours qui se spécialisent pour faire de la prédation sur les faims. Donc, lorsque les caribous sont naissants, ils sont vraiment très vulnérables. Les ours parviennent à les chasser puis à s'en nourrir. Donc, c'est une préoccupation là, des gens du milieu actuellement. Donc, on retrouve de plus en plus d'ours noirs. Et l'ours blanc, peu dans les terres, quoique ça peut toujours arriver, mais on retrouve l'ours blanc toujours de plus en plus sur les côtes, de chaque côté des Torngat. Avec la fonte des glaces, les ours blancs cherchent à s'alimenter de différentes façons et donc vont venir passer davantage de temps sur les côtes. Donc ça aussi, ça peut être... c'est une préoccupation très actuelle des communautés nordiques. Ah oui? Oui. Est-ce que si l'ours noir et l'ours blanc se rencontrent, est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait des hybrides? Il me semble qu'on voit ça en Colombie-Britannique. Je ne suis pas une spécialiste de l'ours, alors je ne voudrais pas me prononcer, mais ça m'étonnerait. En fait, les hybrides qu'on voit, ce sont les grizzlies et les ours blancs. Ouais. Et c'est ce qu'on va voir justement là, dans l'Ouest canadien. Et c'est arrivé à quelques reprises que c'était des femelles... d'ours blanches qui choisissaient comme mâles des ténébreux bruns, donc des grizzlies, et qui avaient des hybrides. Et parfois, ces hybrides-là se sont accouplés à nouveau avec des grizzlies. Donc, on retrouve... c'est assez spécial là, de voir ces ours-là. Si vous googlez, on a vraiment un ours qui est blanc, mais qui a plus de foncé, puis qui a vraiment le visage d'un grizzly. Il porte un nom, mais je me souviens plus. Je sais que on va l'appeler Pizzly ou Growler. Il y a plusieurs noms. Je ne sais pas à quel point c'est reconnu par la communauté scientifique. Je pense que c'est les médias qui voulaient accoler un nom. Ouais. Et puis, c'est pas... ça reste un phénomène marginal. Hein. Ouais. C'est pas vraiment quelque chose qui on n'est pas en train d'avoir une nouvelle population. Mais c'est quelque chose qui est suivi, évidemment, parce que c'est très, très intéressant. C'est spectaculaire aussi. C'est spectaculaire, oui. Mais je pense que l'ours noir est pas mal plus petit que l'ours blanc. Et je pense qu'il y a d'affaires à avoir plutôt peur de l'ours blanc. C'est vrai. Alors maintenant, tu nous emmènes à Toursuyuk. Donc là, on est où, là? Toursuyuk, c'est où? Toursuyuk, et bien là, je vous amène de l'autre côté du Nunavik. On se retrouve du côté de la baie du Tson, toujours au Nunavik. Donc, c'est un parc... en fait, c'est le plus grand parc parc national au Québec. Donc, 26 107 km carrés, c'est vraiment immense. Là. Si on regarde sur une carte, c'est assez impressionnant la zone que ça couvre. C'est un parc qui a été créé en 2013 et Toursouyouk, ça veut dire le goulet parce qu'il y a une zone sur la côte justement de la baie du Tson qui est un goulet, donc une entrée très étroite pour accéder au lac Guillaume-de-l'Île. En anglais, on l'appelle le Richmond Gulf. Donc, c'est de l'eau salée, mais l'entrée pour ce golfe-là est très, très étroite. Donc, c'est très particulier à naviguer. Je l'ai navigué en gros canot avec des guides inuits et faut faire attention où est-ce Ah qu'on oui. va. Oui, c'est vraiment particulier là. Donc la force de la marée Ah aussi, oui, ça doit donc faire des courants assez oui, impressionnants c'est dans le goulet, exactement, c'est on a ça? des courants spectaculaires, les courants d'air aussi là, avec l'air froid de la baie du Tson et l'air plus chaud des terres. Donc on a souvent du brouillard, mais un brouillard extrêmement dense. J'avais jamais vu un brouillard aussi dense que ça en entrant dans le goulet, là, en bateau. Donc, la communauté la plus proche, c'est au Miouillac, qui est une petite communauté d'environ 450 à 500 personnes. C'est aussi la communauté la plus nouvelle du Nunavik. Donc, ça a été créé dans les années 80, si je me souviens bien. Donc, c'est des gens qui avaient quitté Coudjouarapik parce qu'ils craignaient les conséquences des barrages hydroélectriques. On se Ah oui. rappelle, dans les années 70, oui, le développement de barrages hydroélectriques, c'était en plein boom, hein. Le Québec voulait vraiment développer davantage cette ressource-là, mais ça avait des conséquences jusqu'au Nunavik. Et donc, les gens qui étaient contre ces projets-là, ben, ont décidé de se relocaliser et de créer une nouvelle communauté plus loin des zones qui auraient été potentiellement inondées. Donc, c'est au Miouillac. Et à Toursouyouk, bien, bon, parmi l'environnement, c'est un environnement vraiment spectaculaire, c'est-à-dire qu'on a de très grandes falaises qu'on appelle des cuestas. Et une cuesta, c'est une structure qui est vraiment asymétrique. Souvent, c'est un peu penché. Donc, c'est pas une falaise bien droite comme on les voit. Ça fait un peu penser à des environnements du Far West. Je sais pas pourquoi. Ça me fait penser à comme dans Lucky Luke. Parce que souvent, il y a une couleur aussi un peu plus Ah ouais. orangée. Il y a des strates. On voit vraiment les strates de roche parce que c'est une strate de roche plus tendre avec une strate de roche plus Ça veut résistante dire que c'est par-dessus. sédimentaire, c'est Oui, OK. exactement. Et avec l'érosion, avec le relèvement isostatique, Ça a basculé, c'est exactement. en pente, hein, Oui, et ça. puis là, ça remonte. Donc, Ouais. c'est vraiment spectaculaire là, de voir ça. On a des grandes étendues plates et soudainement, on a un Ah grand oui. pan relevé. Oui, et ça fait des environnements uniques aussi pour les plantes, pour Ah les oiseaux de proie qui oui. vont y nicher. Donc, Ouais. c'est vraiment très, très beau. Et on peut se promener là, il y a de la randonnée. Il y a de la randonnée, il y a de très, très beau. On peut aller faire du kayak. Donc, pour l'avoir fait en bateau, là, c'est Ouais. spectaculaire. On a l'impression d'être dans une vallée avec des grands géants autour de nous. Ouais. C'est très beau. C'est le plus au sud des quatre parcs, celui-là? Je sais pas si c'est le plus au sud. Attendez, je pense que j'ai une carte. Oui, c'est le plus au sud, voilà. Je n'ai pas le visuel pour la radio, mais oui, c'est le plus au sud. Donc, on retrouve justement ben, la forêt hein, dans la partie sud du parc. On va avoir de la forêt. Et là, bon, à ce parc-ci, là, c'est des zones qui sont fréquentées et par les Inuits et par les Cris. Cette fois-ci, ce sont les Cris. Donc, c'est des lieux de rassemblement ancestraux qui étaient connus des deux peuples. On peut penser au lac à l'eau claire. En fait, on l'appelle désormais en cri. Son nom, c'est Wiyashakimi. Et ça veut dire justement lac à l'eau claire. Et c'est la thématique presque de la chronique, mais c'est un autre impact météoritique qui a Ah ouais. créé. Ah oui, je savais C'est pas un ça. double impact Ah. météoritique, oui, qui a créé ces deux lacs. Qui sont de forme très ronde, évidemment. Là, on le voit bien sur une carte. Mais là, il y a beaucoup plus longtemps. Là, on parle de 290 millions d'années. Donc, ça fait très longtemps. Et ça a créé des lacs très immenses. Tellement immenses pour les avoir aussi parcourus, entre autres en bateau. Il y a une station de recherche qui est de ce côté-là du lac à l'eau claire. Et puis, c'est l'équivalent d'une mer. Hein, parce que lorsque le vent se lève, il faut faire attendre. Les vagues sont immenses. Et puis, c'est très intense. Il nous reste pas beaucoup de temps, Rachel, mais il faut que tu nous emmènes au dernier parc vite fait. Là, on prend un jet et on arrive. Un petit détour. Eh bien oui, c'est le parc Ulitinyuyalik. C'est un des seuls parcs que je n'ai pas eu la chance de visiter et c'est le plus récent parc de parc Nunavik et qui a vraiment c'est un trésor naturel parce qu'il protège la rivière George, donc qui est une rivière qui serpente à travers des paysages accidentés. On a la montagne Pyramide qui est une formation rocheuse assez emblématique qui est littéralement une pyramide. Là. Pour en avoir vu des photos, ça semble très beau. Et c'est aussi un environnement où on va retrouver toutes sortes d'animaux, donc des ours noirs, des loups, des caribous, avec vraiment une flore qui est adaptée à ces conditions toujours extrêmes des milieux nordiques. Tu nous mets l'eau à la bouche, Rachel, on a envie d'y aller. Oui, mais je vous invite à aller googler ou aller lire. Il y a des articles qui sont sortis. On n'a pas besoin d'aller très loin pour être dépaysé parfois. Exactement. Alors, merci beaucoup, hein, Rachel, pour cette virée touristico-scientifique au Nunavik. Merci beaucoup. Et je rappelle que nous étions en compagnie de Rachel Gardon, qui est biologiste pour les Inuits du Nunavik.